70%. L'émission qui est comme du cacao, 70%. C'est très, très laxatif. Julien Carriveau à l'appareil. Et ce soir, pour votre 70%, vous avez Tommy Colin-Vallée, Emmanuel Côté-Seguin, Jean-Sébastien Godette, les frères Portelance et Étienne Lapointe. Ken Malard aux nouvelles et comme d'habitude, votre animateur préféré, Monsieur Tommy Godette. Ouais, j'ai oublié les paroles. Ah, sacré Georges, mon romantique. Elle commence par un sol. Ah non, c'est un do. Un sol, do. En tout cas, salut. Merci à Mathé Luna, mesdames, messieurs. On vient de commencer 70%. Yeah. Le house band rouillé, j'aime ça, ça promet que ça va revenir fort. On a deux chaises vides, nos invités devraient être en train de s'en venir. Sinon, ben, on est moi puis toi, Simon, ça va bien? Ça va et toi, ma poule? Moi aussi, je suis un peu en retard. Ce matin, j'ai reçu un coup de fil d'Hydro-Québec qui me disait que j'avais gagné mon poids en électricité, figure-toi. J'y suis allé, puis ils m'ont dit, mais vous êtes con, monsieur, alors je suis rentré chez moi. Ouais, ben oui. Voilà. Grosse journée, hein? Oh putain, oui. Une chance, t'en as parlé à personne, t'aurais l'air fou. Hey. Heureusement que mes parents n'écoutent pas ce podcast. En remplacement de Bruno Corbin, et d'ailleurs, moi, je voulais commencer l'émission en mentionnant que je suis maintenant, et ça c'est pas des blagues, bientôt je vais être un cyborg, parce que je vais avoir un appareil pour mieux entendre, puis l'appareil là, il peut être plugué sur Bluetooth, ce qui fait que l'appareil peut être hacké assez facilement, ce qui fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui va m'envoyer des messages à un moment donné, je vais être un cyborg hacké, ça va peut-être arriver à un moment donné. Sinon, je suis un ninja depuis l'an 2000. Ah ouais? Ouais. En fait, c'est que j'étais à l'université à Rouyn-Noranda en création visuelle interdisciplinaire. Et après un an de ce qui s'annonçait pour être un bac, ils ont fermé ça sans vraiment le dire à qui que ce soit. Moi, je venais de re-signer mon bail à mon loyer, puis j'avais comme pas de nouvelles de ce qui s'en venait avec mes études. Fait que je suis allé voir à l'université de Rouyn. Puis ils ont dit, ben non, mais le programme, il est fermé. Puis je fais, non. Et là, ben, je me suis promené un petit peu, j'ai envoyé des lettres aux journaux abitibiens, j'en ai envoyé à JE, je me rappelle, je n'avais envoyé à pas mal de monde. Et parce que j'ai brassé de la marde, l'université a décidé de nous octroyer à chacun un diplôme en art, ouvrir la parenthèse, axe de spécialisation choisi par l'étudiant, fermer la parenthèse. Et moi, cette année-là, j'avais fait beaucoup de performances artistiques. J'étais vraiment super fit dans ce temps-là. J'ai fait du taekwondo, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux dans mes performances. Et là, je me suis dit, je vais prendre un diplôme en ninjologie, je le mérite. Ce qui fait que je suis le seul ninja diplômé par le gouvernement du Québec. C'est quand même quelque chose. Et c'est tout pas des blagues, ça. C'est tout pas des blagues. Ce qui fait que bientôt, je vais être un cyborg. Je suis un ninja. Et depuis lundi passé, j'ai investi les 80 meilleurs dollars de ma vie en longtemps, depuis ma dernière pizza trop grande, en quelque chose qui s'appelle les Highland Titles. Ça, c'est que tu peux donner de l'argent aux Écossais pour qu'ils s'occupent d'une terre qui est tatouée pendant que t'es pas là. Ce qui fait que je suis officiellement rendu un lord écossais, lord de Glencoe. Donc, je suis un cyborg lord ninja. Ça ne s'invente pas. Je suis vraiment, vraiment content. C'est des affaires que... Et d'ailleurs, si, tu sais, Sir Tommy, non, on reste simple. Vous pouvez m'appeler My Lord seulement, ça va être correct. Puis là, c'est une phase d'habituation pour tout le monde. C'est sûr qu'au début, je ne me reverrai pas. Ce qui rend tout l'exercice un petit peu plus inutile. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Ensemble, je vais devenir My Lord. Est-ce qu'on y croit? Oui. C'est bon. Qui? Oui, My Lord! Excellent! Ben sinon, on est à 70%. D'habitude, je demande à du monde s'ils jouent à Magic, puis ils me répondent non. Peut-être qu'on pourrait commencer l'émission d'aller dans les... On peut... Non, c'est moi qui parle. On peut commencer l'émission puis aller voir les chroniqueurs et on s'adaptera avec nos invités quand ils vont arriver. À mentionner que la personne n'a pas Facebook, ce qui explique peut-être des affaires. Fait que peut-être qu'on devrait faire un téléthon pour aider les gens qui n'ont pas Facebook à avoir Facebook. C'est pas con, hein? Ouais, c'est ça. On pourrait se faire subventionner par Facebook lui-même, tant qu'à ça, non? Non, je pense qu'ils ont de l'argent. Ouais. Sinon, ben, on dit-tu go à nos musiciens, toi? Y a-tu quelque chose que tu veux jaser? Ouais, pas mal. En fait, en plus du truc d'électricité là, que je me suis fait avoir, j'ai bossé aujourd'hui sur le petit cinéma douteux. Oui, le petit cinéma douteux, en fait, c'est le petit cinéma itinérant. Et je vais faire des. En fait, je pars sur les routes faire mon set de VJ, en fait. Et je serai, c'est officiel, je serai à Sherbrooke le 11 novembre. Et à Shawinigan le 17, je vais refaire les events, je m'occupe de tout ça. Oh, c'est cool. Et vu que je m'en vais 2 mois et demi en Europe, je vais faire aussi des sets là-bas, à Toulouse. Encore en Europe et qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça t'attire beaucoup? Hein? Ouais, tu sais, de temps à autre, j'aime beaucoup le Québec, mais de temps à autre, il faut souffler un peu. Bah oui, puis là, en plus, tu as timé ton voyage là-bas au début du mois de décembre. Et oui, je vais faire je vais faire ce qu'on appelle l'école du snowbird. Ouais, c'est ça. Donc, je vais faire 2 mois et demi de snowbird, puis vu que l'hiver se prépare à être très chiant cette année, je pense que j'en aurai quand même un petit bout. Et puis. Et voilà. Ça. Voilà. Ben, je viens d'en apprendre sur le Ken Malarsfer. Oui, c'est vrai. Le Malarverse, on va en reparler plus tard. Okay. Sinon, ben, messieurs et madame de Mateluna, on se lance. Ça me tentait pas de préparer quelque chose. Ça fait que je vais juste improviser des paroles vraiment dolles. Dol, vraiment dol. Pour les nouvelles. Ouais, merci beaucoup, c'est super cool. Yeah. J'ai fait exactement la même chose la semaine dernière parce que j'avais pas eu le temps aussi. Ah, cool. On est amis maintenant. Chouing. On commence les nouvelles avec des faritas, figurez-vous. Un ancien employé du ministère de la Justice juvénile du sud du Texas a été arrêté pour vol après qu'il ait été reconnu par les autorités qu'il avait volé pour 1 million $2 de faritas, sur 9 ans. Comment? Oui, 1,2 million. De... Mais c'est combien de faitas, ça? C'est un stade, Je sais pas, j'ai pas eu le temps de faire le... Calvaire ouais. Heureux! Gilberto Escaramilla a été licencié en août et arrêté après que les autorités aient obtenu un mandat de perquisition et trouvé des paquets de nourriture Tex-Mex dans son réfrigérateur. Les enquêteurs ont ensuite vérifié les factures des fournisseurs et déterminé qu'il interceptait des livraisons de nourriture financées par le comté et les livrait à ses propres clients. Bon. Son plan machiavélique s'effondra lorsqu'il manqua un jour de travail en août pour un rendez-vous médical alors qu'un chauffeur de livreur s'est présenté avec 800 livres de faritas à son travail. Ses collègues du département de justice ont juste expliqué au livreur qu'il ne servait pas de faritas. Escarmia a donc été arrêté et en bonne et due forme a été chargé avec la plus haute condamnation de vol possible. Attention, on n'y est pas avec les faritas. C'est précis. Il y a 1,2 million de faritas. OK, mais c'était pas de la même semaine. OK. Moi, j'ai vraiment vu comme 8 trucks. Là, je me demandais jamais d'où. Non, non, c'était sur 9 ans. T'sais, le mec a fait ça. Genre, t'sais. Subtil. On reste dans la bouffe. Des émeutes se sont déroulées cette fin de semaine dans plusieurs restaurants McDonald's aux États-Unis à cause d'une sauce pour nuggets. La sauce Sichuan que la chaîne de fast-food avait arrêté de commercialiser en 1998, était en effet exceptionnellement disponible à la vente samedi, et ce pour 48 heures, en quantité très très très limitée. De longues files d'attente se sont ainsi formées devant plusieurs McDonald's aux États-Unis. À Los Angeles, en Californie, à Wellington, en Floride, des clients ont même manifesté leur colère devant les restaurants. L'un n'avait pas reçu la sauce, l'autre était en rupture, donc du coup, bagarre. Le succès de la fameuse sauce Sichuan était tel que les barquettes ont même été mises en vente sur eBay, le montant pouvant monter jusqu'à $500. Pour répondre à cet engouement, McDonald's a finalement annoncé dans un communiqué que la sauce, si plébiscitée, serait à nouveau disponible à la vente cet hiver. Si la sauce Sichuan connaît un tel regain d'intérêt, évidemment les fans le sauront. C'est notamment parce que son nom a été évoqué dans l'un des épisodes de la très populaire série animée Rick and Morty. Et il y a un chapitre 2 à cette histoire de sauce Sichuan. Rachel Marie de Macomb a non seulement réussi à accrocher l'un des 20 paquets de la sauce super rare. La graphiste de 23 ans a conduit 45 minutes à Détroit très très tôt le matin et attendu des heures jusqu'à ce que les sauces soient disponibles à 14h. Au moment où ça s'est produit, il y avait des centaines de gens qui attendaient, a-t-elle dit. Les lignes serpentaient autour du bâtiment. L'emplacement du McDonald's ne comportait que 20 paquets, mais Marie et un de ses amis figuraient parmi ceux qui ont eu la chance de mettre la main dessus. Elle a ensuite eu l'idée de poster une photo du paquet sur le groupe Facebook Pin Nation, qui fait un peu comme un groupe Kijiji. J'ai eu beaucoup de réponses à cette proposition, mais si je pouvais avoir une voiture, pourquoi ne pas demander ? Donc elle a dit, j'échange mon pack de Szechuan contre une bagnole. Elle a donc trouvé quelqu'un acceptant son offre, amenant chez elle une Volkswagen Golf MK4 de 2000. Il est venu avec, donc j'ai eu la preuve qu'elle fonctionnait. C'était un fan de la série, il avait déjà une autre voiture. Interviewé par nos confrères de Business Insider, l'ancien propriétaire du véhicule qui a voulu rester anonyme a donné comme raison à l'échange désavantageux « Just needed some freaking sauce, man !» C'est tout pour ce bloc-là, on se retrouve tout à l'heure. Sacrément. Merci, Ken Dumalard de Lord, oui. Merci, Lord Saucisse, Tommy Godet. Avec plaisir, qui est incroyable. Lord Bacon. On va le revoir... Incroyable. On va le revoir dans l'émission. Et d'ailleurs, continuez d'applaudir notre invité là. C'est Tiger Ski. Ski Tiger. Donc, t'as un tigre sur un skidoo. C'est quoi qui est écrit dans ton dos? Tu fonceras vers les obstacles et tu seras capitaine de ta propre épave. C'est comme de la poésie. Tu peux prendre ça ici. Ah, t'as un autre collègue qui vient d'arriver. Salut Philippe. Allô? Ben oui, ben si c'est vous, faites comme chez vous. Ben oui, on voit que vous êtes dans la même gang. Qu'est-ce qui se passe de bon dans l'univers des Ski Tigers? Là, oublie pas de coller ça sur ton menton parce qu'on fait un enregistrement et on veut que les gens entendent. Dans l'univers, ben là, c'est quand même large. T'sais. Ski Tiger, déjà là, c'est large, fait que l'univers est très grand. Ça, je suis d'accord. Se passe bien des affaires. On m'a dit que vous étiez du genre à baptiser les gens. Ouais. Le baptême fait mal. Dis-moi en plus. Juste le baptême, tu sais, c'est un rituel. Tout est long. Tout est. Et on baptise. Excusez. avec un compte-gouttes. Puis on a un jus de Ski Tiger. Un élixir de Ski Tiger. Donc, il y a un rituel autour de votre patente. Ouais. Est-ce que vous êtes une secte qui essayait d'avoir les rabais sur l'impôt? Ben, c'est ça. Mais tu sais, quelque part, au début, on n'est pas une secte. OK. Parce qu'on est plus petit que ça, on est plus un insecte. c'est vraiment tout petit. Ah ben, ils nous sortent le phrase punch, j'aime ça. C'est qui a pensé? C'est-tu Bertrand et toi, c'est? Ben, ça, c'est. Moi, c'est Philippe. Toi, c'est Philippe, toi, c'est Bertrand. Ouais. Ben ouais, Dominique, il est comme dans le fond. OK, il... fait que t'as amené ta gang, genre. C'est ben, bon, on est les trois, comme les... Bertrand, il dit les trois moustiquaires. Fait qu'on est tout le temps... on est tout le temps pas mal ensemble. Et qu'est-ce que ça fait des Ski Tigers à pas porter un T-shirt appareillé avec une phrase philosophique d'épave en arrière? Ben, ça résume pas mal la patente. L'épave, là, c'est pas mal ça. Il y a bien de l'alcool. Attention à ton micro, là. Il y a bien de l'alcool, il y a bien... Des filles puis du rock'n'roll. Ouais. Et beaucoup de glitter aussi, parce que t'es couvert de glitter. Ouais, mais ça, moi, j'arrive de la job, là. C'est pour ça que... Ah ouais, hein? Puis Noël s'en vient, fait que ben, tu travailles extra non, glitter. C'est vrai ça, je fais des décors de Noël. Ah, ben... Est-ce que tu crois à ça, toi, Noël? Plus à cette heure. À cette heure que je fais les décors, non. Ah ouais, toi tu fabriques la... Ouais, j'aime ça. Et puis, ben, on va le demander tout de suite. Est-ce que tu joues à Magic, Philippe? À Magic? Non, toi? Mais quelle surprise! Ah non, ben, c'est un jeu de cartes à collectionner. Il y a des œuvres dessus, des œuvres d'art. Il paraît que vous faites de la peinture, vous autres? Ouais. Ouais, on... Ben, c'est comme un gène défectueux. On fait de la peinture, mais par défaut. OK. La peinture par défaut. Ouais. OK. Parce que sinon, il fallait faire d'autres choses, genre? Ouais, non, mais tu sais, on voulait pas être tueur en série, fait qu'on s'est dit... Ah, c'est pas fou. Ouais, c'est un bon choix. Bon choix. Merci. Et puis, qu'est-ce qui vous fait peur? Qui me fait peur? Les lièvres. Les quoi? Les lièvres. Les lièvres, ça te fait peur? Parce que... C'est ennemi total des Ski Tigers. Ben, c'est ça. Ça a des grosses dents, c'est rapide. On est contre ça. J'aime ça, vous aviez la réponse tout de suite. Il y a un consensus, toi, c'est les lièvres aussi. Ben, pas le choix, là. C'est mon prophète. Là. C'est lui le boss. Ben, oui, c'est... Ah, OK. Comment tu prends ça d'être un prophète gourou? C'est facile. Fais pas des grosses fins de semaine trop. Ah, c'est le contraire, c'est vraiment des grosses fins de semaine. Ça fait mal le lundi. Là. Des fins de semaine. Je pense que c'était une blague de... Okay. Puis sinon, vous nous avez amené des films, vous faites des films? Oui, des films. On a même filmé son mariage. OK. Ben, c'est ça, on a fait le premier mariage. C'est ma copine ou... C'est ma tigresse, là. Oui, Elsie, le fond, là. Fait qu'on a fait le premier mariage. J'espère qu'on fera pas le premier divorce non plus. Non. Peut-être que ça va être moins long comme rituel. Ouais. Puis, qu'est-ce qui s'en vient sur l'agenda des Tigers? Les Ski Tigers, on a parlé samedi passé, Philippe et moi, on va aller au zoo de Granby. Philippe va être habillé en tigre. On va y mettre une corde autour. Et puis, il va falloir qu'elle réveille un tigre. Ouais. Gratter les chenolles, un peu comme les têtes à claque. Ça a l'air d'être un très bon plan, ça. Tu fais bien d'être sous-alimenté, je pense, pour ce dossier de même. J'ai un problème, on tire avec la corde. Le truc, c'est bien du Jack Daniel au début. Après ouais, ça nous donne du courage. Après ça, même le tigre trouve que tu pues. Ouais, ben, merci d'être avec nous à 70%. On peut inviter les gens à aller voir votre page Facebook. J'ai entendu dire que c'est là que ça se passe. Tiger Ski, le prophète n'est pas sur Facebook, malheureusement. Non, c'est ça, j'étais un vieux prophète. Ben oui, un vieux prophète. Ah, ben, merci beaucoup d'être à 70%. Tiger Ski, mesdames, messieurs, on peut les applaudir. Et on a déjà fait une tranche de nouvelles, ce qui fait que, messieurs, madame, amenez-nous au prochain chroniqueur. Là, oh, on est rendu avec... Bonsoir, je m'appelle Dr. Calin. C'est ça, oui. Et voici mon acolyte Grumpy, qui, suite à des complications légales, a dû changer de nom. Et il s'appelle maintenant Cranky Cat. Dis bonjour, Cranky. Oui, mort aux infidèles à toi aussi. À mon dernier passage, nous avons parlé d'une jeune dame un peu confuse dans ses émotions et qui avait une relation un peu on and off. Eh bien, j'ai eu des nouvelles de cette personne. Elle a tenté de mettre fin à ses jours. Je lui souhaite beaucoup de chance dans ses futurs projets. Ce qui m'amène à parler du thème de la journée. Comment mettre fin à sa souffrance? Eh bien, souvent la vie ne tient qu'à un fil. Mais il faut toujours savoir comment le prendre, ce fil. Et bien sûr, un coup de fil est toujours mieux qu'un fil au cou. Alors, commande-toi une pizza. C'est bon, ça fait du bien et ça te permet de rencontrer un livreur. Les conseils du Dr. Calin. Vous savez, on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut dans la vie. À moins, bien sûr, d'être très riche. Malheureusement, pour être heureux quand même, j'ai un petit conseil pour vous. Il suffit de vous répéter 15 fois par jour « Je désire ne pas désirer souvent beaucoup de choses. » Et pendant que vous allez y penser, vous n'aurez pas de soucis. Le courrier du cœur de Dr. Calin. J'ai reçu cette semaine une lettre de Anna. Anna, bonjour, j'écoute ta souffrance. Anna nous dit « Alors, en fait, voilà, mon copain est agoraphobe. » Et je suis impuissante face à ça. Je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Oui, Anna. Bien sûr, lorsqu'on se voit, j'évite de l'amener dans des endroits où il y a foule, sinon il transpire tellement qu'il n'est pas bien. De plus, moi, je vis chez mes parents et lui chez sa mère. Donc, du coup, je suis obligée de prendre le train pour aller le voir. Du coup, on se voit que sur des journées, du coup, on se voit par intermittence. Et je suis impuissante face à ces angoisses. Que faire? Eh bien, d'abord, Anna, ce qui transpire de ta lettre, c'est ton impuissance. Quoi, Grumpy? Cranky, désolé. Quoi, tu dis qu'elle devrait arrêter de se prendre pour un anti-sudorifique, qu'elle n'a pas à le protéger 12 heures par jour? Eh bien, Cranky, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Car tu vois, Anna, ton copain, qui est agoraphobe, souffre de troubles d'anxiété. Et, tout le monde le sait, les gens anxieux ont tendance à fuir les choses qui leur font peur. Mais justement, pour les aider, il faut les amener progressivement à affronter leur peur, car elle n'est pas vraiment dangereuse. Alors, pourquoi pas en profiter pour l'amener avec toi dans un sauna? S'il n'y a pas beaucoup de gens, et s'il transpire, ça n'incommode personne. Revenez-nous la semaine prochaine ou notre prochaine chronique et nous réglerons la question. Suicide ou meurtre prémédité? Bonne semaine. Merci, docteur Câlin. Sacrement. C'est un nouveau, lui. Le fait qu'il soit comme tout le temps heureux, brainwashé, moi, ça me met à l'aise. Ça te met-tu à l'aise, toi, Phil? Ben, quelque part, il y a un petit côté Ski Tiger, tu sais, qui va chercher la confusion. Parce qu'il y a un peu, on mise là-dessus, sa confusion. Hein. La confusion. Oui, c'est notre mot d'ordre, c'est ça. Le mot d'ordre, c'est confusion. Confusion, ou convertir les gens en les confusant. Ça me va. Moi, j'ai reconnu beaucoup de cons dans ce que tu disais. Oui, c'est con. Ben, sinon, ça va pas payer votre 70%? Ouais. Ça va vite, là. Ouais. 40, c'est parfait. Je pense que t'as poigné comment que ça marchait. Je pense qu'on est prêt pour le prochain. Comme d'alcool, du 40%. Une seconde, faut que je m'accorde. Mi. Ok, c'est bon. Mi, ok. Bravo, Josh. Merci, les Baté Luna. Bonjour, salut les endormis. L'heure est grave, Tony. On nous cache la vérité. Vae victis, hein, Ben. Ben Calor, c'est bien ça. Malheur aux vaincus, l'histoire est écrite par les vainqueurs et on nommait ce qui leur plaît dans nos livres d'histoire avec un grand H. Laissez-moi vous citer l'illustre Robert Charroux, hein, dans son opus de 1967, Le livre des maîtres du monde. L'histoire authentique des civilisations est interdite. Des conjurations puissantes veillent sur la stricte observance d'une version altérée qui seule a le droit d'être exprimée. Notre histoire sociale et religieuse est trafiquée depuis des millénaires. Fin de la citation. Pensez-y. Hein? Qu'est-ce qu'on nous cache, les poireaux? Il serait plus simple de répondre à la question inverse. Que ne nous cache-t-on pas? Qu'achète-t-on comme du tout cuit, Tony? Aujourd'hui, je me penche sur le cas des anciens astronautes. Une théorie que les plus respectueux appellent le néo-évémérisme et que les plus teignes d'entre vous qualifient de spéculation pseudo-scientifique et ufologique, pour ne pas dire loufologique. Oh! Que nenni! Les anciennes civilisations ont été en contact avec des êtres extraterrestres, des visiteurs venus porter sur Terre, hein, le savoir, dans le domaine de l'écriture, de l'architecture, de l'agriculture, des mathématiques, de l'astronomie et de la médecine. C'est pas moi qui le dis, ça, Tony, c'est Wikipédia. Ces créatures supernaturelles nous ont infusé de leur science en permettant à l'Homo sapiens de se distancer à pas de géant des bêtes barbares, hein, qui l'entourent. On en trouve encore des traces dans les arts et les écrits, souvent sous forme de figures divines et légendes héroïques. Ces êtres ont bien existé, les renfrognés. Leur existence a été révélée à la populace d'endormis principalement par Erich von Däniken, hein, dans les années 60, mais puis sa source jusqu'au 19e siècle avec Helena Blavatsky et son néo-sophisme Louis Powells et Jacques Bergier. Des preuves de leur passage pullulent tout autour de la planète, que ce soit les pierres dressées de Stonehenge hein, en Angleterre, la pyramide de Khéops en Égypte, les pyramides aztèques, les statues géantes de l'île de Pâques, les géoglyphes de Nazca, hein, vous savez, ces lignes immenses en Amérique latine dont seuls des êtres survolant notre planète en astronef pourraient comprendre le sens. Ai-je besoin d'en ajouter, Tony? Je pense que t'es rendu pas mal assez dans le champ. L'astroarchéologie se penche sur ces objets laissés par nos visiteurs intersidéraux, ce qu'on désigne dans les cercles d'initiés comme des « hoopart », hein, « out of place artefacts ». Des objets dont on ne peut expliquer la présence par les moyens à notre disposition. L'anomalie d'Ararat, la carte de Piri-Reis, le marteau de King Goody, le cube du docteur Adolphe Gurlte. La bille de Klexdorp, la pile électrique de Bagdad, les sphères mégalithiques du Costa Rica ou encore hein, les fameux crânes de cristal. Hey, je ne parle pas ici d'un opus qu'on préférerait ignorer d'un univers cinématique culte, hein, tel des antépisodes d'une saga intergalactique, mais bien d'artefacts réels, légués aux civilisations anciennes aztèques et mayas par les extraterrestres. Les mauvaises langues vous assureront que ces objets sont des contrefaçons fabriqués au 19e siècle. Vous aurez l'air fin lorsque la fin du monde arrivera, hein, le 21 décembre 2012, et que l'unique façon de l'empêcher sera de réunir les 12 crânes en un cercle au centre duquel on déposera le 13e et dernier artefact, le fameux crâne d'encens. Franchement, Tony, je t'entends me dire que cette date est passée et que la Terre n'a pas arrêté de tourner. Justement! Quant à moi, je vous invite à vous pencher sur les indices qui ont été mis à notre disposition pour nous parler de la présence des anciens astronautes. La jeunesse des années 90 a reçu l'appel de la vérité par l'entremise d'une télésérie jeunesse. Oui, oui! Écoutez donc quelques épisodes de La princesse astronaute pour voir... Il faut lire entre les lignes, mais les plus perspicaces relèveront le véritable message derrière cet écran de fumée. Des technologies anachroniques dans une civilisation moyenâgeuse, un dragon qui parle, Sophie Préjean, Emmanuel Bilodeau, Pompon Prépimpon et Pascal Bussière, une princesse astronaute, Tony. Ce dont on nous gave comme de la fiction n'est en fait qu'un fait, mais ce fait fait effectivement les frais d'une défaillance factuelle ayant pour effet d'effruiter ce fait. Passez-y, les zucchinis. Tabarnak, hey. Anonyme, il est en feu. Merci, dude. Wow. D'ailleurs, on va parler un petit peu. On va aller voir notre amie Fanny là-bas pour qu'elle nous présente son œuvre. Moi, je vais vous présenter ce qu'on va vendre à l'encan tantôt parce que je trouve ça fabuleux. On a une boucle de ceinture, il est écrit « Fuck off » dessus et il y a deux fingers comme ça et c'est aussi un ouvre-bouteille. C'est quand même pas pire, hein? Non, mais juste pour savoir, il y a un encan? Oui, on fait un encan plus tard. Ah, parce qu'on a des t-shirts puis on a des flasques. On s'en reparle, on va voir si ça passe. On a aussi plein de DVD de films d'horreur. J'ai La Momie... Ça, ici, là. Ben, il y a quand même un monstre dedans, là. J'ai Dead Innocent. Comment perdre un copain en 10 jours? Ça, c'est pas facile. Le vol des morts vivants. Donc, les Devil's Reject. Hein, ça, tout le monde aime ça parce qu'on est hipster. Et on a aussi, bien entendu, une bouteille de bière avec Roger Normandin dedans. La bouteille est vide. Mais on a aussi les petits pantalons pour aller avec la bouteille aux couleurs du pays du Sud, là. Celui qui est spécial. Sinon, ben, on parle avec Fanny un petit peu. Tu es en train de nous pondre quoi? Ben, je suis en train de vous pondre un magnifique, un pas pire dessin. Là. Ça s'en vient, là, tu sais, c'est pas si pire. À date, j'ai fait une dame sexy, genre un peu burlesque, parce que ça me tentait. Ouais, ça. Ouais, ouais. Ça me tentait. Puis, voilà, je me montre aux gens. On s'en va dans le Renault. Non, voilà. C'était, voyons, c'est la femme de Roger Rabbit, là. Je Jessica Rabbit. Oui, genre, oui, cette dame qui a influencé tellement de jeunes hommes de notre voilà. époque. Oui, j'étais là. Merci beaucoup, Fanny. Ça va être à l'enquête tantôt. C'est quoi? C'est les Geekettes secrètes aussi, ta gang? Allez voir ça sur Facebook, les Geekettes secrètes. Voilà, on est très content de t'avoir avec nous. À 70 %, on demande aussi à nos invités de nous faire un indicatif. Ouais. Fait que là, présentez-vous dans le micro puis dites, on écoute 70 % ou 70 %, c'est le cas, à moins que... Est-ce qu'on est capable? Philippe, tu le sens-tu? Ouais. OK, go! Philippe Maillé, on écoute CISM. Pas pire! Bertrand Lavoie, on écoute le 40 %. 60 %. Ça me va. Merci beaucoup, messieurs. Puis je pense que rendu là, on va écouter une chanson de notre house band. Si t'as-tu le temps de t'arranger? Ouais. Je me suis accordé tantôt. Vous étiez toutes là quand on s'est accordé. Matt et Luna, allez voir ça, ils ont un bandcamp aussi. On a un bandcamp, puis cette chanson-là est en version électrique sur le bandcamp, mais là, on n'a pas de guitare électrique, fait qu'on va la faire en version acoustique. Le temps d'une chute, la monstre folle qui nous chienne en route, pour faire le vide d'une nuit sans lune. Je me nuis, je me sens vivre, mon cœur exulte. Me voilà ivre de plaisir brut. Pour un moment, j'oublie que je suis, et je me nuis. Qu'il plonge au fond de l'abîme qui le comble et le ronge. Je vois la mort ressuscité entre le mort et l'ubricité. Le choix se fait, ça me prend si vite. L'envie de dépasser toutes les limites. Entre chaque souffle, je sens l'absurde. Merci, vous êtes super le fun. Matt et Luna, mesdames, messieurs, merci. C'est vraiment content de vous avoir avec nous. On est vraiment content d'être là aussi, même si on a l'air blasé, mais on est vraiment content. Non, mais vous êtes de même un petit peu, hein, l'espèce de spleen, hein, se sentir un petit c'est peu parce à sa place. On a peur d'être blessé un peu. Ben oui, sûrement. Fait qu'on on s'est créé une coquille. Ben oui. Mais dans le fond, on aime ça aimer. Sinon, ben, je pense que tu voulais me parler que t'es rendu Ken Guillaume Mallard et tu n'es plus Simon Cussonnet. Non, Simon Cussonnet, c'est fini. C'est Ken Mallard. Maintenant, j'ai changé de... J'ai fait un changement de propriétaire de mon entreprise. OK. Voilà, maintenant, c'est Ken Mallard. Bonjour, je suis Ken Mallard. Et voilà. Bonjour, voilà. C'est, voilà. C'est donc la mort de Simon Cussonnet. Non, mais non, oui, non, oui, non, oui, non. Voilà, là-dessus, messieurs, madame, s'il vous plaît, amenez-nous vers notre prochain chroniqueur. Son. Ah, on a du son. On a enfin du son. On peut déblatérer des paroles qu'on a juste inventées. À l'instant, wapapada, on invente des trucs et on dit des choses pendant que les chroniqueurs s'avancent sur la scène. On va arrêter d'à peu près là. Wow! Quand même, hein? All right! Yay! Bravo, merci beaucoup! Salut! Salut les porte-lanstres! Je suis en train de m'enlever des nachos dans le fond de la gueule. Et voilà. Moi, je les ai laissés. OK, c'est bon. Hey, salut Tommy, ça va bien? Salut Simon, ça va très bien. Écoute, nous autres, on a eu une idée quelque peu amusante cet après-midi. On s'est dit, on va jouer au détecteur de mensonges avec vous. Ouh. Et vous aussi. Autour de la table. Ouh. Et les gens dans la salle. Donc, si on rappelle les règlements, c'est... On a trois affirmations, il faut trouver la menterie des trois. OK. Ça, c'est le fun parce que ça sert comme à conscientiser les jeunes sur les mensonges. Hein. C'est comme, c'est pas correct de mentir. C'est un peu ça le but de la chose. Oui, sûrement, c'est très pédagogique. Ouais, c'est, c'est pour ça qu'ils ont pris Patrice Lécuyer. L'homme le plus pédagogique de la énervé, Terre. Hein. Ouais, c'est ça. Comme tous les enfants. Voilà. Et voilà. Et voilà. Fait que, ben moi, je pense qu'on va juste garder nos votes à nous, par contre. Ouais. Parce qu'idéalement, dans le temps, il y était trois à participer, puis il y en avait juste deux à voter. Moi, je m'en rappelle, hein, j'avais la TV en 1987. Ouais. Fait que, je pense, let's go. All right, ben, écoute, je vais commencer avec mes trois premières affirmations. J'ai déjà reçu des menaces de mort pour un eye contact au McDonald's. Deuxième affirmation. Martin Petit est tanné que je parle des Gingras Gonzalez sur Facebook. Troisième affirmation. J'ai déjà eu 17% en arts et lettres. Où est le mensonge? Oh! Moi j'irais pour le troisième. Ouais, toi aussi, hein? Oh, oui, Martin Petit pis tout. Non, c'est le deuxième. Martin Petit ne m'a pas écrit à propos des Gingras Gonzalez encore. J'avoue, hein, c'est très plausible que mais ça. Mais là, arrive. Il faut penser à ça, c'est que sa cotère au cégep en or et lettres, c'est vrai. Il a vraiment eu 17% dans un de ses examens, fait que sa cotère a mangé. Non, c'est tout mon cours, là. J'ai arrêté d'aller à mes cours pendant une session parce que ça me faisait chier. J'étais accepté dans le programme que je voulais aller. J'ai juste pendant deux mois pas été à l'école. Fait tout simplement. Je peux pas rentrer à l'université. Voilà. C'est à toi, là. Voilà. On va c'est y c'est aller drôle, pour... mais ça l'est pas vraiment hein, quand tu y parles. On rit des malheurs des autres. Mais ben, au moins, lui, il en rit. Fait que ça nous c'est aide ça, après. Au c'est moins. Ça. On est moins gênés. Alors, de mon côté, première affirmation. A. J'aurais pu me faire dépuceler par une femme dans la cinquantaine. B. Quand j'avais 9 ans, ma mère m'a fait faire un blackface. Et C. J'ai enregistré un épisode des pierres à feu par-dessus la cassette de mon baptême. Quelle est la fausse affirmation? Ah, c'est périlleux, ça. C'est ouais, très périlleux. Ça donne un autre assez tough. Toi, t'es dans le C encore? Let's go. Moi, je dis B, en fait. Ouais, je dis ah ouais? B. Je dis alors, B aussi, ouais. La fausse affirmation, c'est la cassette enregistrée des pierres à feu sur mon baptême. Ça veut dire que c'était C, ça? Ouais, C. Ah, alors, c'est... le blackface, c'est la dépucelation par une femme est réelle. Me semble qu'on avait déjà parlé ouais, on de, déjà de l'affaire ouais, de... Oui, la bonne femme. C'est ça, je connais assez le porte-lance verse pour avoir une avance là-dessus. Oh, ouais. OK, trois autres affirmations. J'ai vomi des bines au Cora. J'ai fantasmé sur une des filles dans Kilomètre Heure. Et j'ai sacré un coup de râteau dans le dos à Mathieu. Bon, le, c'est déjà arrivé sûrement un coup de râteau. C'est arrivé. Les ouais, bines au Cora, me semble, c'est trop générique. Ouais, mais c'est tellement drôle. Ouais, je pense que le A, hein? Eh oui, parce qu'il y a eu... Ouais. On est A, consensus A? Oui, consensus A, let's go. Non, c'est B. Oh. J'ai jamais fantasmé sur une fille. Ben, kilomètre, je crois qu'il y avait Titlaine, il y avait Sonia Vachon. Là, c'est pas l'affaire la plus excitante au monde, sans vouloir... l'affaire! Ah ouais, ouais, c'est vrai, Marie-Lise Bourquois. Non, mais... C'est vrai. Mais oui, mais non. Mais à date, on se fait torcher, là. Vous êtes des bons menteurs, ah ouais, c'est ouais, tout en un autre. Ouais, ouais, ouais. Alors, quatrième jeu. Première affirmation. A. J'ai déjà essayé de rentrer dans la piscine à balles du McDonald's à Jonquière lorsque j'ai eu mes 18 ans. B. J'ai déjà lancé un bloc de glace dans l'œil à Simon et ça l'a saigné. C. J'ai déjà mangé une boule à mythe. J'ai déjà mangé une boule à mythe aussi, donc c'est pas celui-là. Donc, lui, il est C, moi, je suis B, puis eux autres sont A. Alors, la fausse affirmation est « J'ai essayé de rentrer dans la piscine à balles du McDonald's à mes 18 ans. » C'est moi qui l'ai, hostie, c'est voilà. Ma première! Il donc, l'a pas faite, mais il avait le goût en tabarnak. Ouais, ben c'était barré, il était 10 heures le soir. Il n'y avait pas d'enfant qui allait. On a une dernière, elle est commune, ça parle de nous deux. On s'est déjà battu avec un enfant de 8 ans. B. On a laissé traîner un condom dans un module de jeu pour enfants aux hôtels Jarreau à Québec. C. On s'est déjà fait bannir à vie du PFK Jonquière quand on a bouché la toilette avec de la sauce. Ouais. B. B. C. Moi, j'y vais avec le C parce que vous aimez trop le PFK B, pour C, ça. C. C'était le C, effectivement. Woo! Le PFK. C'était pas de la sauce, c'était des papiers, là. Non, ben. On n'a même pas bouché la toilette en tant que tel. Explique l'histoire. Autour fait que de vous êtes banni, mais pas pour avoir bouché la toilette. Explique l'histoire. En fait, c'est que moi, à chaque fois que j'allais au PFK de Jonquière, j'amenais toujours un objet que je voulais me débarrasser au PFK. Mais l'affaire, c'est que... Ben non, je le crissais pas dans la toilette, là, évidemment. J'allais tout le temps aux toilettes, puis c'est comme Chris, serait drôle que la sauce, je la bouche avec la toilette, genre, mais finalement, je l'ai jamais faite. Mais qu'est-ce que je faisais avec la sauce à la place? C'est qu'à chaque fois que je sortais du PFK, j'allais sur le côté de l'immeuble, il y avait un petit step, genre dans le mur, là, comme c'était comme un creux, tu fais déposer des objets. Puis j'ai amené deux objets, je l'ai fait deux fois. Mon premier objet a été mon dictionnaire français-anglais, anglais-français du secondaire. J'étais au cégep, je m'en crissais rendu là. J'ai laissé mon dictionnaire là, puis j'ai lancé le pot de sauce dessus. Puis j'ai pris une photo, je me suis sauvé à la course. Tu sais, j'avais 17 ans, là, je me trouvais cool, tu sais. Ah, ouais, cool. Puis mon deuxième objet, ça allait être le jeu Grand Theft Auto 4 pour Xbox 360. J'ai laissé la boîte avec le CD dedans, j'ai lancé la sauce, je suis parti. Mais le CD était brisé. Mais l'affaire, c'est qu'on a fait à croire sur Facebook pendant vraiment longtemps qu'on a réellement été banni du PFK, mais on l'a jamais été. Tu sais qu'il y a personne d'autre qui fait ça? Non. faire à croire d'avoir été banni de PFK. Attends, mais là, parce qu'il fallait faire à croire qu'on était banni, mais il fallait plus y aller. Fallait jouer c'est la vrai, game. C'est là, vrai, c'était c'est difficile vrai. En esti. Là. T'as tu passes devant, monde. T'es comme, ah, je peux pas aller au PFK. On va aller au Burger King à côté. C'est bien moins. Burger King, c'est pire que PFK, selon moi. C'est dégueulasse. Ouais. C'est quoi, ça... Hey, sur ces belles paroles, je pense qu'on va y aller. Ça, là. Ouais, merci beaucoup, ça. Les porte-à-lance. Très, très apprécié. Merci, messieurs. Ah, hein. Tout le monde a son porte-à-lance préféré. Hein. Ouais, mais moi, pire, c'est David. Le pire, c'est qu'ils habitent à côté de chez moi, puis maintenant que je sais qu'ils font ça, je me sens moins à l'aise. Ouais. Puis je joue dans le même groupe que en fait chier. Ouais, j'avoue, ouais, tu parles de merguez et tout avec eux. Non, je laisse aller. Il y a eu un spectacle samedi. Oui, j'ai ben justement, voir Maté Luna, voir les frères porte-à-lance ici, c'était comme un relan de pizza de soirée que j'ai passé là. T'sais. J'ai l'impression d'être samedi, mais dans un endroit différent. Ah, ouais, oui, j'avoue. Okay, et d'ailleurs, le gérant du bar nous a interrompu notre soundcheck parce qu'il y avait la game. Puis qu'il y avait deux clients qui écoutaient tabarnak. Au beau milieu du soundcheck, on n'arrivait pas à régler le problème du clavier de Mathieu Portelance. Puis ouais, fait, voilà. On peut régler? Non, il y a la game, ça a repris. Il y a la game, ben oui. Parce qu'au Québec, on a un projet de société, puis c'est que le Canadien gagne la coupe. C'est notre projet de société. Ben c'est ce qui nous rend unique, au Québec. C'est mal barré, hein. Ouais, c'est. En tout cas. Hey, je pense qu'on est prêt pour le prochain. Tap! C'est bon, on continue de même. Lâche pas! Continuez! Bravo, bravo. C'est vraiment Mateluna, deuxième génération. Ben bonjour tout le monde. Salut toi. Me voici enfin, j'ai presque manqué ma shot. Aujourd'hui, il y a quelque chose que je ramène qu'on avait, on s'est entendu, moi et toi, Tommy, que peut-être que ça reviendrait pas. Peut-être une fois, mais là, suite à la demande populaire de plusieurs personnes, dont dans l'équipe, j'ai fait, je vais le ramener au moins une fois, surtout que c'est d'à propos aujourd'hui. OK. OK. Fait que c'est quoi, tu penses? Les journaux de cul. C'est ça! C'est les courriers du sexe de Madame Claude dans le Photopolis. C'est le plus beau vocabulaire qu'on peut s'imaginer possible. C'est vraiment génial. OK. Fait que on va commencer avec... Elle m'a dit « Fourre-moi ou je le dis à ton père. » OK. Premièrement, je viens de dire « fourre ». Fait qu'à chaque fois qu'il y a « fourre », »,« crosser » ou « crosse » ou « plot », yes! Il faut qu'on dise le mot et on prend une glue. OK? C'est comme ça que ça marche, c'est la game. Fait que elle m'a dit « Fourre-moi ou je le dis à ton père. » J'ai 18 ans. Et j'ai une grosse graine de près de 8 pouces. Graine. Sans doute parce que je me la faisais souvent sucer par des petits veaux à la ferme de mon père. Ils adorent la décharge. Whatever. L'autre soir, seul à la maison, je regardais un film de sexe à la télé quand la belle fille aux grosses boules a commencé à se déshabiller. À mesure qu'elle enlevait ses vêtements, je bandais. Quand j'ai vu sa belle plotte toute poilue... Hey Valérie, je vais en avoir besoin d'une autre, s'il te plaît. Toute poilue, je n'en pouvais plus et j'ai sorti ma graine pour me crosser. Comme c'était bon de se faire jouir et de me voir décharger, j'ai gardé ma graine à l'air. Car j'avais déjà vu le film et je savais qu'une autre fille se déshabillerait. 5 minutes plus tard, l'autre fille se met à poil et voilà ma graine, droite comme une fusée prête à décoller pour la lune. La lune! C'est précis pareil, hein? C'est pas Mars, non, c'est la lune. Je recommence à me crosser et je jouis 5 bonnes minutes en me crossant lentement. La voisine, oui, oui. La voisine, qui est une maudite commère pas très belle, entre alors dans la maison en me disant qu'elle avait tout vu par la fenêtre et elle m'avertit que si je ne la mets pas, elle dira tout à mon père. Elle lève sa robe, tasse sa culotte et me montre sa grosse plotte. J'avais pas le choix et je l'ai fourrée. Comme elle criait, je lui ai dit de fermer sa gueule. Sinon, je l'enculerais. C'est une méchante menace, pareil. Hein? Comme elle parlait encore, je l'ai viré de bord et je l'ai enculé. D'aplomb, la cochonne. Souvent, depuis, elle vient me rejoindre dans le champ pour se faire fourrer. Dans le champ. Mais à la place, je sors ma graine et je me crosse devant elle. Elle est trop laide avec ses petites boules. Réponse de Mme Claude, si elle te force encore, mets-lui un oreiller sur la tête et swing! Mme Claude, là, c'est une perle. Une perle de bon sens. OK. Là, je vais y aller très vite avec ces autres-là. OK. La lettre de la semaine. J'ai surpris ma femme à se faire fourrer! Salut, sexcitation! Un midi, je suis revenu chez moi parce que j'avais oublié des papiers importants le matin en partant. En entrant, la musique jouait fort et ma femme se plaignait. Et qu'est-ce que je vois? Ma femme en train de se faire fourrer par un inconnu. Elle hurlait comme une perdue, tout écartée, et lui la fourrait de toutes ses forces. Soudain, elle a crié « Oui! Viens! Décharge! Mais dans ma bouche! » Le gars a sorti de la plotte et a mis sa queue dans la bouche de ma femme. Comme j'étais bandé, j'ai sauté dessus et j'ai pris la place du gars dans la plotte. C'est un gars qui est willing. T'aurais dû voir sa surprise. Après avoir déchargé, Je l'ai fait mettre à genoux pour me sucer en disant au gars de l'enculer. Elle se débattait, mais je la tenais par les cheveux et le gars l'a poignée en plein dans le cul. Elle en a mangé une maudite bonne. Après, on a fait connaissance, le gars et moi. Et on a fourré ma femme encore une fois. Elle a eu la plotte échauffée. Et crois-moi, elle marche à croche. La semaine prochaine, le gars va revenir avec ses deux frères et elle va se faire fourrer comme jamais. Ça va être sa punition pour avoir fourré avec un étranger en mon absence. Réponse, je penserais plutôt qu'à ses yeux, c'est une récompense, pas une punition. Suite. Celle-là, je ne lirai pas le titre parce que ça va vendre le punch. Je suis mécanicien sur un traversier et je lis souvent votre chronique sur la job tout en lisant « Je me crosse la plupart du temps ». Parce que ce qu'on a entendu à date, c'était sexy. Ouais, c'est toujours, oui. Ouais. Car bien des lettres me font bander. L'autre jour, après mon travail, je roulais au volant de ma voiture quand j'ai aperçu une grosse salope qui faisait de l'autostop. Ouais, c'est ça. C'est écrit dans son nom. Ouais, c'est ça. Dans sa face, je veux dire. C'est dans la famille son des t-shirt. Grosses salopes. Ouais, c'est ça. OK, fait que, qui faisait de l'autostop, grosse boule, gros cul et grosse lèvre de suceuse. Je l'ai fait monter et ça n'a pas été long qu'elle a sorti ma graine. J'ai arrêté et j'ai commencé à jouer avec sa grosse plotte. Elle en avait toute une. Je pouvais passer mon poignet dedans. Je l'ai crossé le poing fermé et elle criait comme une truie qu'on encule. Par connaissance de cause. C'est tout ce que je peux penser. Après, je la tenais serrée par les boules pendant qu'elle me suçait. Faut dire qu'elle savait comment faire un bon blowjob. Elle m'a vidé les gosses. Je suis reparti et pendant que je conduisais, elle se passa un bâton de baseball en plastique dans la plotte. J'ai rebandé et je me suis fait sucer encore une fois. Finalement, ma grosse truie a descendu. Qu'en pensez-vous, Madame Claude? Je pense que ça prend un cochon pour aller avec une truie. Et la dernière... Ah oh non, c'est assez. Là, une petite dernière, celle-là est importante. Ça fait 5 minutes. Non, ça fait... OK, OK. Elle est importante, celle-là. OK. C'est pas correct. Viens, ma tante va te crosser. Cet été, j'ai surpris mon petit-neveu de 16 ans à se crosser sous la douche. Il se croyait seul dans la maison et entrant dans la salle de bain, je l'aperçois bien bandé. Pour un petit gars de 16 ans, il a une belle grosse graine et la voir, la plotte me chatouillait. Lui était gêné et tout rouge. Je lui ai dit de continuer, que ça ne me dérangerait pas, mais il était trop gêné. Je lui ai dit, « Bon, alors, c'est ma tante qui va te finir. » J'ai pris sa graine qui débandait et en quelques secondes, elle était revenue grosse et dure. Je lui ai dit, « Tu vas voir, ma tante connaît ça, des petits cas. » C'est ça. Je l'ai bien crossé et c'était beau de le voir décharger pour un petit gars. Il déchargeait beaucoup. Je lui ai dit, « Ma tante va te crosser encore. » Et je l'ai fait jouer très lentement. Il se tordait, il me poignait un peu les boules, mais je le laissais faire et il a encore déchargé. Après, quand il est parti, ce fut à mon tour de me crosser parce que ça me coulait dans les culottes. J'avais laissé la porte entrouverte et je savais qu'il me regardait. Mais ça me faisait jouir encore plus de savoir que je me crossais devant lui. « Ma tante est cochonne, hein? » Point d'interrogation. Réponse de Mme Claude. « Des tantes comme ça, les neveux en voudraient une bonne dizaine. » Tu sais, la dichotomie, hein? Le double standard. Ça, je veux rien tout savoir. Ça pour dire que, tu sais, c'est drôle. Ben, c'est drôle. Pour certaines personnes, c'est drôle quand c'est un gars. Ou c'est correct. Ou, oh non, les gars peuvent pas être des victimes de viol. Ils aiment ça. Moi, à ça, j'ai à dire, mange la marde. mange de la crise de marde. C'est quoi, t'as une finale philosophique après nous avoir dit... Va t'asseoir. Madame Claude, elle encourage ça. Imagine dans l'inverse. Hey, mon oncle a regardé sa petite nièce en se passant le doigt. J'ai dit, mon oncle va te passer le doigt, ma belle. Non, on avait tout compris. Merci, Jean-Sébastien, merci beaucoup. Non. Aïe. Tu me demandais au début de podcast qu'est-ce qu'il y a de bien en France. Ça, c'est. Mais tu sais, il va falloir que je raconte ça à ma famille. J'ai vu Astérix qui racontait des trucs porno, excuse-moi. Ouais. J'étais un peu. Il va falloir que je fasse ça. Il y a même des dessins là-dedans. Hein. Ça date de 97, 98. Ça vient de quel magazine, ça? Parce que moi, c'est Photopolis. Quand j'ai commencé à travailler au Subway. À Rouyn-Noranda, en 1997, j'avais du tip pour la première fois. Et pour 2$, j'allais au dépanneur de mon ami, puis je disais, je peux-tu acheter ton hostie de niaiserie? Et c'est beaucoup à la source des panneaux que j'ai chez moi. Ceux qui sont venus au musée savent que c'est décoré avec beaucoup de scrapbooking. Et il y a beaucoup d'affaires qui viennent de ça. Notamment le spécial des meilleurs violeurs de 1997. Je sais pas si pour être un bon violeur, faut que tu ailles beaucoup violer ou s'il faut que tu te fasses pas pogner. Mais si tu es sur la couverture d'un journal en tant que meilleur violeur, je pense que c'est parce que tu t'es pas fait pogner encore, me semble. Un bon violeur, c'est quoi? C'est-tu quelqu'un qui viole beaucoup? Pourquoi à chaque fois que je fais une nouvelle, il y a un chroniqueur qui nous emmène là-dedans? Il y avait beaucoup de publicité qui venait de France parce que tous les numéros de téléphone cochons en français, c'était en France. Et la phrase qui revenait le plus pour nous donner le goût d'appeler, c'était « Les petits culs serrés de collégiennes attendent vos appels ». Et la phrase « Petits culs serrés de collégiennes », ça me revient souvent tellement, je l'ai lu souvent. J'aimerais ça plus jamais avoir de ces affaires-là. Vous viendrez chez nous les lire et avoir honte dans l'intimité. Ici, on se traite de sujets intelligents à 70%, comme moi qui est un lord et vos pénis. Hein, ça va bien de ce côté-là? Parfait, ça. Let's go, on passe au prochain. J'ai mal à mon humanité. Ouais, ça, ouais. Étienne, il a l'air en contrôle de tout ce qui est important à ce moment-ci. On lui prête un micro. Vas-y, Étienne. Combat la gravité. Qu'est-ce que vous avez dit d'arrêter de jouer, vous autres? Hey, donne-moi du son, là, à ces gars-là, là, qui finissent leur soundcheck, s'il te plaît. Deux ensemble, s'il vous plaît. Non, mais... Toi, tu veux un fond sonore puis parler. Let's go, focus, là, c'est ta chronique. Là. Tout le monde. Oui, non, mais la dernière fois, on s'était perdu dans des affaires dans mon esprit malade que j'avais rejeté. Oui. Là, j'avais besoin d'aide. Fait que j'ai demandé à un autre esprit malade de m'aider pour faire ma chronique. Ça prenait quelqu'un qui comprenne mon univers parce que, tu sais, entre la pointe, on se comprend. Ben non, pas Eric! Moi, c'est Boum Desjardins, mon cousin, je te l'ai déjà dit. Ah oui, Anne-France, c'est vrai, au travers de toutes ces lettres-là, il y a un Lapointe à quelque part. Allô? Elles sont en train. Ah ouais. Merci. J'ai pas l'esprit malade, c'est un air que je me donne. Fait que en Lapointe, on a un costume officiel de Lapointe. C'est moins recherché que les Tiger Ski, mais quand même, c'est là. Ski Tiger. Ça nous prend un chapeau noir. Ouais. Parce que les chapeaux noirs, c'est les vilains. Ça va-tu, le pied de micro? Ouais, je pense que je peux le tenir. Let's go, tiens. OK, vas-y. Merci. À chacun ses combats. Chapeau noir. Chapeau noir, t-shirt blanc, avec quelque chose dessus, dont un macaron. Puis nous autres, moi, mon macaron, il est bleu. Je suis le monsieur. Puis elle, son macaron, il est rose. Parce c'est que la c'est madame. La madame. Il est blanc. Non, c'est un... Ah oui, il est blanc. OK, mais on continue. Le macaron, il est là. Ouais, OK, fait que... Mathéluna? Ouais. Mm-hmm. Oh, est-ce que je peux avoir un petit fond sonore pendant que je raconte? Tu veux de quoi? De triste ou est-ce que t'as l'air encore drôle? Pour ceux qui voudraient voir la préface dans ma chronique, elle est sur le site web. On part. T'es prête, là? Je suis fucking prête. Bon, je suis prêt. Renzac avait préparé son piège avec la grande ingéniosité Goblin. Hey! Hey! Je suis caché dans un arbre avec une grosse roche. J'attends qu'il y ait un gnome qui passe. Ouais. Il va acheter des vidanges dans le ravin. Moi, j'ai ma grosse roche, je vais l'assommer, je vais l'égorger, je vais le ramener dans mon village de gobelins. Écris, je suis pas le texte. Hein? OK, on recommence. Il pourrait alors l'égorger facilement et le ramener au village où il serait le héros du jour. Malheureusement pour lui, ce matin-là, l'hostie gnome avait récolté un surplus de vidange et arrivait sur une charrette tirée par un cheval. All right. Gurtutu se réveilla avec une plus grande faim qu'à l'habitude et se rendit au ravin dans l'espoir d'y trouver quelques os à ronger. Elle aperçut l'idiot du village qui gravissait la paroi avec une grosse crisse de roche attachée sur la tête. Malheureusement pour elle, Reznak était un habile grimpeur. Dommage, il aurait fait un excellent déjeuner. Curieuse de savoir pourquoi son ex-idée de repas ne redescendait pas, elle grimpa à son tour, grimaçant d'une délicieuse douleur, tandis que le frottement de la rocaille contre sa poitrine lui faisait durcir les mamelons. Renzac bondit de sa cachette et lança sa grosse roche sur le gnome. Il aperçut alors le cheval et, effrayé, il perdit l'équilibre et tomba de son perchoir. Il ferma les yeux dans l'appréhension d'un violent choc avec le sol, qui n'arriva jamais. Sa grosse tête ronde s'était coincée en deux branches. Le répugnant personnage, ainsi suspendu, déclencha un violent rire et sale chez le sale gnome. L'odeur du gobelin et le rire strident du nabo achevèrent de casser les nerfs de la vieille carne, qui s'emballa et plongea drette dans le ravin. Pris de panique, le gnome prit les jambes à son cou, comme le crétin qu'il était. Oui, malheureusement. Alors Gurtutu, elle, en était à la moitié de son ascension lorsque, regardant vers le sommet, elle constata qu'un cheval lui tombait dessus. Elle ferma les yeux et fit une rapide prière à Namashtu. Oui, parenthèse. La déesse mère des monstres. C'est-tu moi qui dis les parenthèses ou c'est toi? Ah, parce qu'on était supposé hein? De rehearser puis on l'a pas fait finalement. Moi, je m'ostine pas. Donc là, je te fais payer. Ouais, voilà. Donc, Namashtu, c'est la déesse mère des monstres. Et l'attelage la manqua de justesse. Elle se croyait tirée d'affaire lorsqu'un pot de chambre mal lavé la frappa en pleine tronche. Elle perdit prise et tomba dans le vide. La prière à Namashtu ne fut toutefois pas vaine car la carcasse du cheval amortit sa chute. Affamée comme elle était, Gurtutu plongea immédiatement ses crocs carriés dans les chairs meurtries de la bête agonisante. Miam. De peine et de misère, Reznak se dépêtera de sa fâcheuse position. Se disant qu'à défaut de gnome, le village allait festoyer sur un bon cheval, il redescendit la paroi. Et l'odeur alléchante du sang chaud qui montait à ses grosses narines verruqueuses commençait à faire gonfler deux bosses sous son pagne crasseux. Il huma à travers l'odeur de sang chevalin un rance parfum qu'il ne connaissait que trop bien. La grosse Gurtutu! Ils avaient grandi ensemble dans le même enclos et cette grosse salope avait mangé tous les autres gobelins de leur génération. Reznak s'en était sorti seulement parce que Gurtutu, devenue trop lourde, n'arrivait plus à grimper en haut de la cage. Et hop, et ladite Gurtutu se délectait de la chair encore chaude du mammifère éventré et nageait tête première dans les entrailles sanguinolentes de la pauvre bête. Bestial, morphale et comblé, Gurtutu sentait le liquide chaud et gluant dégouliner sur ses joues purulentes, passant dans son cou crasseux jusqu'entre les deux mottes immondes qui lui servaient de poitrine, gonflées de plaisir sous les pointes encore irritées par la paroi rocheuse. Transporté par le plaisir, des grognements primo s'échappaient de son avide gosier. Elle n'entendit pas Reznak arriver derrière elle à pas sournois. Reznoir, revoir Gurtutu. Éveillant Reznak, un désir funeste qui le consumait depuis sa plus tendre enfance. Précisément depuis le jour où il avait aperçu Gurtutu dévorer ses frères gobelins et que non pas une, mais deux verges gluantes en constant durcissement avaient surgi brûlantes de son entrejambe. Il était tiraillé entre le dégoût et le désir pour cette grosse truie insatiable. Ses deux gobi pénis dégoulinaient d'une lymphe granuleuse qui lui rappelait les burnes. Mais il n'y pouvait rien. Il aimait cette sensation autant qu'il la détestait. Cependant, comme la gloutonne lui volait à présent sa viande de cheval, il devait se venger! Mais ça va être laid. Gurtutu sentit le poids de Reznak sur son dos. Celui-ci passa rapidement les mains autour de son cou d'obèse gobeline et lui compressa l'œsophage. Tandis que ses yeux gonflaient dans leurs orbites, Gurtutu sentit enfler une autre partie de son anatomie. Sa cavité molle de gobeline usée se gorgeait de sang, telle une baudruche ou le ventre de quelqu'un ayant abusé des triscuits. Des rigoles d'un liquide vert et nauséabond suintaient hors de sa fente tant la violence de Reznak l'excitait. Elle lui assena un violent coup de coude sur le nez et, haletante, lui ordonna de sa voix rauque « Frappe-moi! » Surpris! Le visage sanguinolent, Reznak se prit de plaisir de puncher allègrement le corps mou de sa Gurtutu. Ses deux membres virils, paralysés par de sanguinolentes mycoses, se dressaient au rythme des coups, toujours accrochés autour de la grognasse et sans jamais cesser de la marteler. Reznak se tortilla, arracha le pancroté de Gurtutu et pénétra simultanément ses deux orifices. Un mélange d'odeurs fécales et alléchantes explosa alors dans ses grosses narines déformées, décuplant son excitation malsaine. Il heurta cependant du bout d'une de ses verges pestiférées une étrange masture. On achève, tenez bon. Alors, à deux verges du sommet de l'extase, Gurtutu sentait des feux d'artifice vicieux prêts à lui déchirer les entrailles. Elle grognait de plaisir doublement transpercé quand une douleur différente de celle qui lui compressait les poumons se déclencha au plus profond de son gros ventre flasque. Repoussant Reznak de toutes ses forces, elle roula sur le dos et expulsa coup sur coup cinq hideuses créatures, mi-gobelins, mi-trolls. Empilés par terre dans une masse gluante, les rejetons de Gurtutu se bataillaient déjà, se crevant les yeux et se mordant à l'aveugle. Gurtutu en attrapa un au hasard et l'avala d'une bouchée. Elle lécha les lambeaux de peau gercée qui lui servaient de lèvres et grogna de satisfaction. Reznak, l'appétit creusé par le bonheur des derniers instants, ne perdit pas une seconde et engloutit à son tour un autre bébé colbol, mi-gobelin, mi-troll. Gurtutu se croquait un deuxième et s'assoupit à moitié, repu et épuisé par l'effort de l'accouchement. Des semblants de placenta coulaient de sa fente déchirée. Reznak en profita pour avaler l'avant-dernière progéniture qui avait été oxyde par l'ultime survivant de la portée. Ce bébé agressif dégageait une odeur dangereuse. Le même parfum rance et excitant qui émanait de Gurtutu. Mais en plus musqué, viril et vif, Reznak perdit littéralement la tête, attrapa le nouveau-né par les cheveux et lui fit honneur de ses deux membres virils toujours dressés. Outré d'être mise de côté, Gurtutu rugit et voulut s'interposer. Peu impressionné, l'enfant lui déchira la jugulaire d'un coup de dent. Reznak, des lueurs amoureuses perçant le but de ses globes oculaires, s'empara de la petite créature qu'il prénomma Grenzuzu la goblole et s'éloigna dans la forêt. Reznak ignorait que les golblols venaient au monde pubère et que Grenzuzu portait déjà en son antre le fléau destructeur du monde. Hey, c'est bon. Mais cela est une autre histoire. C'est fait, on l'a eu. Merci beaucoup, Étienne, Anne-France. Que vient-il de se passer au final? Je pense que c'est une histoire qu'il vaut mieux ne pas réveiller. Je veux juste dire à tout le monde, j'entends votre souffrance. Câlin. Docteur Câlin, voilà. C'est comme si les chroniqueurs s'étaient parlé et qu'il fallait que ça finisse en déjection. Que se passe-t-il? Toi, t'as pas de nouvelles de ça, j'espère, là. Non, j'ai pas, non. Ah, ben oui, mais ça. Tu vas rehausser le niveau. On va essayer. Sacrément. OK, on s'en va vers la fin, madame, messieurs. Le dernier bloc de nouvelles. Déjection. Déjection. Un pénis chinois a été sauvé d'une clé à molette par les pompiers et médecins héroïques. Mardi, un homme est arrivé dans un hôpital de Guangzhou avec un outil coincé autour de ses parties génitales. L'homme n'a pas donné de raison quant aux raisons de l'arrivée de l'outil à cet endroit précis de son anatomie et a simplement demandé à ce qu'on le lui enlève. Les médecins de l'hôpital ont rapidement découvert que ce serait une opération difficile et extrêmement sensible en raison de l'organe génital gonflé. Si le sauvetage devait être mal effectué, il pourrait occasionner des dommages irréversibles au chouang de l'individu. Après avoir constaté qu'il ne disposait pas de l'équipement capable de couper la clé en toute sécurité, ils ont demandé au service d'incendie local de venir en aide. Dans une opération de 2 heures, les pompiers ont pu utiliser délicatement un broyeur d'angle pour libérer la virilité du pauvre homme. Les médecins ont déclaré aux journalistes que les pompiers avaient eu la chance d'avoir retiré la clé dans le temps, sinon la nécrose aurait pu s'installer, figure-toi. Bien sûr, les pompiers chinois ont déjà vécu des expériences similaires. L'an dernier, ils ont sauvé le pénis d'un homme d'un piège d'acier, le membre d'un autre homme d'un anneau et les testicules d'un autre homme d'être coincés entre deux aimants. En juin dernier, ils ont cependant été confrontés au même cas, mais c'est avec une équipe de dentistes qu'ils ont pu réussir à sauver le pénis de la victime. Le manque d'affection aurait joué un rôle dans cette affaire. Sacrément, ça me fait penser au sketch de The Onion Movie, là, que Cutsman, The Penis People. J'ai pas la référence, mais je te fais confiance là-dessus. Aïe. Encore. On continue. Un pêcheur a suivi la tradition d'embrasser sa première prise et ne s'attendait pas à ce que le poisson se glisse dans sa bouche, puis sa gorge, coupant ses voies respiratoires. Faisant un arrêt cardiaque, les ambulanciers se sont précipités pour déloger le poisson. Ces derniers se devaient de sortir la bête en un seul morceau ou risquer davantage l'obstruction des voies respiratoires pouvant entraîner la mort du jeune homme. Les ambulanciers paramédicaux ont finalement réussi à extraire le poisson de la gorge de l'homme. On ne sait pas si le jeune homme reprendra sa canne à pêche, mais ça, on s'en fiche. And chips. Oh. Allez, on finit avec une nouvelle 70%. C'est quoi ça? C'est la bonne nouvelle 70%? La bonne nouvelle 70%. Ah ben là, c'est une bonne nouvelle 70%. Yeah. Ouais. Ah oui, je suis encore en rodage, bonne ou mauvaise, il n'y a que des nouvelles 70%. C'est vrai. Une nouvelle de France. Salut à mes compatriotes qui sont restés là-bas. Un agent des services secrets français aurait envoyé un message texte à l'un de ses collègues pour lui parler d'une cible dont il assurait la surveillance. Le policier s'est trompé de destinataire et a envoyé son message à la cible. L'homme sous surveillance, un prédicateur djihadiste, compris dès lors qu'il était surveillé. Ce dernier appela l'agent de renseignement quelques minutes plus tard pour se foutre de sa gueule. La cible a par la suite prévenu ses interlocuteurs qui a aussi été écouté. Une grosse erreur qui a fait capoter non seulement l'enquête menée par les services secrets français, mais aussi par la Direction générale de la sécurité intérieure qui pistait elle aussi l'individu. Du bon travail à la française. C'est une bonne nouvelle pour les djihadistes, dans le fond. Ça, c'est toi qui le dis. Ouais, effectivement. Merci beaucoup, Ken Mallard, mesdames, messieurs. Oui. Merci. Sinon, ben, on est arrivé à la fin de ce 70%. C'était très gluant, plus qu'à l'habitude. Hein, mais bon, ça collait un peu à la fin. Chaque 70% est différent. Au revoir, Astérix. Messieurs Philippe et Bertrand de Tiger is Key Tiger, vous allez nous montrer un film maintenant, si j'ai bien compris. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. C'est La Conquête. C'est le deuxième film qu'on a fait. Le premier est comme un peu marron. On a pris le moins marron. Fait que... Vous avez deux films et on voit ouais. le meilleur des deux. Ouais, c'est ça. C'est le fun de penser à nous autres. ouais. Non, mais là, on s'est dit, c'est quand même soft. T'sais. Après avoir entendu Madame Claude, Ski Tiger, c'est quand même un tigre sur un skidoo. C'est pas si pire. Et voilà. Merci beaucoup à vous deux. On peut vous suivre sur Facebook. Oui. Ça arrive pas souvent. J'ai une question pour les invités. Toi, t'es passé Lord Bacon. Moi, je suis passé Ken Mallard. Et on est tous les deux passés membres officiels des Ski Tiger. Ooh. À l'instant, tu l'as même pourvu. Ben oui, je l'ai. Ben, mais, non, messieurs, qu'est-ce que c'est qu'un membre officiel des Ski Tiger? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que ça va, ça fait avancer la file de la RMQ plus vite? Oui. Encore hier, je suis allé au Canadian Tire avec ça. J'ai présenté ça. 50% de réduction. Ah, oh, tabarnak! Sûrement, oui. Ou ouais. Canadian Tiger, t'as dit? Est-ce que je peux dire la vérité? Bertrand, c'est mon meilleur ami. Il m'a essayé d'être membre pendant des années. Finalement, quand j'ai signé, les deux autres ont rentré. Puis, ils ont pris la deuxième puis la troisième place parce que j'ai gratté la couille de tigre. OK, c'est toi qui as touché la couille de tigre en premier. Fait que t'es pas sa sœur, je pense. Mais je me suis rendue quatrième. OK, ouais, c'est bon. c'est qui, elle? On la remercie. Merci d'être passé. Merci à Ski Tiger. On peut les suivre sur Facebook. Nous, on va placer la scène tranquillement. Merci à l'équipe technique. Merci aux chroniqueurs. Voilà, on va écouter Matt et Luna. Merci à eux. On va à l'œuvre de Fanny Grégoire plus tard. Allez voir les geekettes secrètes. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On va avoir VJ Arnaudette quand Matt et Luna vont avoir fini leur toune. On vous aime tout le monde, sauf deux. All right. Yeah, on vous aime aussi. On a des CD à vendre pour ceux qui nous aiment un peu ou beaucoup. Ou pas du tout, même. Puis, vu qu'il y a de la déjection qui s'est donnée ce soir, on va en faire aussi. Yeah! Ouh, déjection! Déjection! On déplugue les micros ou... Et une salope qui ne porte jamais de culotte, qui frotte sa plotte sur le premier qui lui pète de quoi se saouler. On dit qu'elle sort à toutes les nuits et ramène des hommes dans son lit. Un à la fois et parfois deux, elle en prend autant qu'elle le peut. Ya la la la la la la la la. Elle en prend autant qu'elle le peut. Ya la la la la la la la la. Elle en prend autant qu'elle le veut. Suzy, ouverte du soir au matin. Suzy, elle dirait oui même à son chien. Suzy, elle a du pull dans le vagin. Suzy. Ce n'est plus pour lui. Yeah, yeah, yeah. Tenez. C'est lui le chef de ces dames. Tenez. On voudrait tous être comme lui. On voudrait tous être comme. On voudrait tous être comme. On voudrait tous être comme lui. Oh oui, c'est tout un homme. Oh oui, c'est tout un homme. On voudrait tous être comme lui. Merci. Vous étiez correct. %, l'émission qui est comme du cacao, 70%, c'est très, très laxatif. Julien Carriveau à l'appareil. Duquel j'ai hâte de vous reparler plus tard, c'est Jack Frost 2. C'est un film d'horreur et une comédie en même temps. Il mélange ça, il rajoute des props vraiment weird dans des décors faits en studio. En fait, c'est la plage la plus laide que vous allez voir au cinéma, c'est sûr et certain. C'est tout fait dans un studio, fait que la gloire des tropiques n'existera pas dans le film tantôt. Et c'est un bonhomme de neige qui va tuer tout le monde. Ouais, c'est la suite directe du premier. Et cette fois-là, le héros et sa famille vont passer Noël dans le sud pour avoir la paix avec la neige et tout. Et ce nonobstant, le méchant revient et il y a de la vengeance et plein de surprises. Avant ça, ça va être VJ Arnaud Audette. On est très content de l'avoir. Il a mis sa plus belle chemise, celle qu'il va me donner si jamais il meurt. Arnaud, ketchup, hein, ça a l'air d'être le mot-clé. On parle de ketchup ce soir avec Arnaud, un beau 90 minutes tête, ça devrait être parfait. Et avant ça, on est très content d'avoir nos amis de Tiger Ski qui devraient s'en venir, nos invités de la soirée. C'est des philosophes peintres un petit peu bizarres, là. J'ai vu qu'ils étaient barbus. Et sérieusement, il ne faut jamais faire confiance aux barbus, je vous le dis, live. Sinon, ben, juste avant ça, on va avoir 70%, oui, qui va être accompagné en tant que house band par nos amis de la... On appelle ça comment ce soir, Georges? On a Matélu? Hein, quoi? OK. Parce que toute la bande est là, sauf Francis. Ouais, c'est Matélua aujourd'hui. C'est Matéluna. On lui a donné le N. OK, c'est bon. Ben, on salue Francis. Parce qu'il est non présent. On vous remercie d'être là, Laurent, Étienne, Mouzou et Georges. Et puis, ben, 70%. Ce soir, ça va être mis en couleur et en image par notre amie Fanny Grégoire, qui est là-bas et contente. A fait des saluts. Son œuvre va être vendue à l'encan tantôt et 100% des profits vont à une excellente cause. Et juste avant, pour débuter cette soirée qui s'annonce magique et pleine de rebondissements, s'il vous plaît, applaudissez notre ami Alex. Viens-t'en, Alex. Olé, olé, olé, olé. Olé, olé. Olé. Yes. Alex, Alex. Woo! Alex. Hey, c'est bien le fun. Tabarnouche, je pense que j'ai jamais été aussi bien scandé comme ça que quand j'étais au primaire, quand ils voulaient que j'avale des vers de terre. C'était finalement, j'étais un peu en train de revivre toute mon intimidation. C'est hot. Je suis content de vivre ça. Ça va, ça va? Ouais, hey, moi, j'étais un peu déphasé aujourd'hui, je m'excuse. Je trippe sur venir à 70%, mais aujourd'hui, j'ai vendu une... Je suis représentant pour une compagnie de télé, OK? Puis je dis pas le nom, pas parce que si je le dis, ils me poursuivent. Non, non, c'est là que ces temps-ci, ils donnent des cadeaux. Et là, le cadeau qu'ils donnent, c'est des téléphones qui explosent. Fait que je veux pas nommer la marque. Puis non, j'étais un peu fourré. J'étais à job aujourd'hui et j'ai vendu une TV qui vaut... 10 000 piastres. Ouais. Puis moi, j'étais comme tout le long, il achète une 75 pouces, une grosse TV, puis tout le long, je disais au gars, tu sais, tu peux monter ton divan plus proche, puis tu vas avoir une... Tu sais, prendre 32, puis fais rien qu'avancer ton divan, ça va marcher, esti. Mais là, non, il voulait la TV à 10 000, puis la transaction va bien, tout ça, et il m'a payé ça cash. Il m'a payé ça cash, tabarnak! Ça... Non, toi, tu dis yeah. Ça veut dire qu'il y a de l'argent. Moi, j'étais insulté. Parce que moi, je dois encore 8000 piastres à l'école de l'humour. Lui pourrait acheter mon rêve cash, esti, puis il resterait pour avoir un rêve de quelqu'un de plate. une TV 32 pouces, esti, pour aller à l'école de l'humour. Puis, Chris, on devrait faire monter le public sur scène. À chaque fois que j'y vais, il y a tout le temps quelqu'un qui répond à mes jokes. Puis je suis comme, ouais, ça va être dans mes affaires après. J'ai ça pour travailler, je vole vos jokes. C'est malade. C'est malade. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais un peu. Fucké aujourd'hui. J'ai passé la fin de semaine à faire des affaires de marde chez nous. J'ai plus de DVD parce que mon DVD il est pété. Puis j'ai un vieux VHS qui marche, mais il marche un peu tout croche. Comme play, pause, ça marche plus. Il reste rien que rewind. Pas grave, j'écoute mes films à l'envers. J'ai écouté Jaws, c'est l'histoire d'un requin qui vomit du monde. Jusqu'à temps qu'il y en ait assez pour faire un Christy de gros beach party. C'est un peu fucked up. J'ai écouté un autre film aussi que j'avais en VHS. J'ai écouté Terminator. Terminator 2, ouais, tu sais. C'est l'histoire de deux flaques de robots qui se battent. À un moment donné, ils se forment, ils deviennent des robots. Puis là, tu réalises, dans le fond, ils se battent pas vraiment parce que les robots, c'est des genres de chirurgiens du futur. Parce qu'ils ont des guns qui aspirent les balles dans le monde. Fucked up. À un moment donné, j'ai décroché parce que tu sais, il a sorti sa phrase. Puis sa phrase, sortant de mon VHS à l'envers, c'était un peu fucked up. C'était Ib, ah, tu veux là, tu sobes. Pas embarqué, je sais pas pourquoi tout le monde la quote tout le temps. J'ai essayé d'écouter aussi un autre film, plus dur à trouver en VHS. Ça s'appelle L'incroyable histoire de Benjamin Bouton. Ouais. À l'envers, c'est juste l'histoire d'un gars qui rentre dans le vagin de sa mère. Fucked up, quel tabarnak, ouais. Je sais pas comment j'ai plugué mon VHS, je sais pas comment j'ai plugué ça, parce que toutes mes affaires étaient à l'envers. À un moment donné, j'ai arrêté d'écouter des films, j'ai écouté rien que la TV normale, puis j'ai écouté une belle série d'amour, là, ça s'appelait Fear the Walking Dead. Comment t'appelles ça, 60 000 zombies qui se frenchent dans le cou à New York? Moi, j'appelle ça de l'amour. Puis, non, mais ça m'a fait peur, ce film-là, un peu, parce qu'au début, c'était romantique, ils s'embrassaient, tout. Puis à un moment donné, bang, il y en a un qui se transforme en humain. Tabarnak, j'étais comme hostie, qu'est-ce que je fais si l'humanité embarque, moi? Fait que j'ai regardé sur Wikipédia, puis je me suis renseigné. Fait que fais pas le saut si tu viens chez nous, puis il y a de la porn, puis de la bière. C'est pas pour moi, c'est si l'humanité embarque, je crie, puis je lance ça. Vous m'aurez pas, tabarnak, vous me changerez pas, moi, je reste un zombie! Même que je filme. Écoutez une autre affaire à la TV qui m'a déphasé. C'était un tueur si proche, genre, tu sais, toutes ces mardes-là. Ouais, c'était une belle histoire d'un gars qui rentre dans la société, ben normal. C'était cool. Mais le gars, il avait pas l'air de triper, là, il allait à reculons. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Je sais même plus combien il faut que je fasse de temps, Tommy. Comme que je veux. Ah, une heure! Chris, t'en prendrais pendant une heure de ça? Ça serait le moment d'avoir des billets à vendre, hein? Mais là, non. Mais si t'as rien à faire après, je suis aux As-Bar à 8 heures. Et c'est 5$. Non, moi, ce que j'aime le plus ici, aux douteux, c'est qu'on peut se permettre de faire des jeux de mots. Aimez-vous ça, les jeux de mots? Chris, ça me fait plaisir. Là, l'Halloween s'en vient, puis c'est tous des jeux de mots qui sont sur ma page Facebook de l'année passée. Mais si tu veux les écouter live, rouvre pas ton sel puis écoute-moi. J'ai des jeux de mots sur l'Halloween. Ça vous tente-tu que j'en fasse une coupe? OK. C'est quoi la note préférée des monstres? La citrouille. OK. Faut y penser. J'ai un autre joke. C'est la première fois qu'elle a une clap, celle-là. D'habitude, c'est bouh! J'ai un autre blague. Deux vampires sur un toit. Il y en a un qui regarde l'autre, puis c'est pendant une tornade. Fait qu'il y en a un qui regarde l'autre, puis il fait tabarnak, ils vendent fort, hein. Puis l'autre, il dit bof, j'ai vu des vampires. Comment t'appelles ça une femme fontaine dans sa semaine? Un abreuvoir pour vampire? Ouais. OK. On va lâcher les blagues de vampires, c'est assez. Moi, j'ai un concept de costume pour cette année avec ma blonde. Elle va être déguisée en Alice au Pays des Merveilles, puis moi, je vais être déguisée en Iron Man. Le concept, c'est Alice au pays des Marvel. Ah, celle-là, moyen. Puis, pas ah, correct. Ma blonde, elle l'aime beaucoup, elle. Puis, la dernière que j'ai, c'est. J'ai fait un repas pour mon chum squelette. Ouais, il m'a offert un osso beaucoup. Tabarnak. Hé, hey, je suis pas sûr si je peux finir avec celle-là, dans le fond. M'attends à trouver un autre. T'as une minute. Ah ouais. Tu sais quoi la différence entre l'ironie puis le... C'est plus de l'Halloween, là. Je fais rien que te finir sur une bonne blague, parce que sinon... Ah, on l'invitera plus, le petit niaiseux. Il y a de la pression, hein? C'est quoi la différence entre l'ironie et le sarcasme? Mettons, le sarcasme, c'est tu vois une fille dans un bar, puis elle est vraiment pas belle, puis tu dis « Waouh, cette fille-là est vraiment belle! » L'ironie, c'est si tu couches avec. All right, hey, merci beaucoup, vous avez été super le fun, passez une belle soirée. Je donne-tu le micro à quelqu'un ou je chill ici? Alex Bell, okay, monsieur! Salut, moi c'est Vincent Descourteau. Ben, les condoms, je pense que ça devrait être considéré comme comme l'égal des autres sortes de vêtements. Parce que les condoms, c'est un peu comme les mannequins. Tu sais, genre, des fois, il y a des mannequins qui se font vomir pour rentrer dans leurs vêtements. Puis les condoms, tu sais, on les met pour faire vomir nos pénis, tu sais. Un pont large de même. 70%. Vomir à 70%. Et sapristi, on va avoir bien timé nos affaires là-dessus. Hein. En plus, mon enquêteur est en train de laver ses mains après avoir fait miction, comme quelqu'un de bonne société. Merci beaucoup à Arnaud Audette pour les malaises, Arnaud. Merci beaucoup. Ça a été une très belle soirée. Et comme le veut la tradition, Fred Fournier va... c'est pas lui la tradition, là. Lui, il est victime du titre. Fred Fournier va faire l'encan, parce que moi, je suis vraiment pas bon. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tommy, il est très bon, c'est juste que... Il veut pas mettre l'effort. Il veut pas toucher l'argent, c'est ça, parce que sinon, ça y flambe des mains, puis après ça, c'est ça qui arrive. Écoute... je m'appelle Fred Fournier, je sais, vous me demandez, je suis qui, je sais pas. Ouais, c'est ça. Puis, je suis pas mal moins chaud que la dernière fois, donc je suis très à l'aise. Et oui, comme Tommy l'a dit, bravo à Arnaud Audette, excellent set, bravo, man. Je me souviendrai de deux choses de ce VJ set. Our house in the middle of our house. Our house in the middle of our house. Voilà. Et bon, commençons l'encan tout de suite avec un lot de films d'horreur, de DVD. C'est ça, c'est un film ici qui s'appelle Le vol des morts vivants. Tantôt, Tommy en avait parlé à l'émission hein, pendant que vous étiez là. The Devil's Rejects, Dead Something, puis plein d'affaires. La momie. Foil, mais ça, c'est pas celle avec Tom Cruise, ça. Non, non c'est celle avec le Canadien. Ouais. Puis, dans Le vol des morts vivants, ça dit une version zombie sautée et tordue qui rencontre pleinement le quota de destruction. Donc, votre quota de destruction sera rempli. Comptez là-dessus, c'est une phrase qu'il dit sur le DVD. Deux piastres! Est-ce qu'on a trois j'entends du trois? 3$? Est-ce 4? Donc, on a 4. On a 5. 4. 6. 7. 8$. 10. Chiffre 12. Ça continue. Les DVD sont en feu. Il y a 13 à l'arrière. 14. 15. Tabarnak. Est-ce que j'ai... Oui, voilà, 16$. Tout ça pour... oui, on a How to Lose a Guy in 10 Days. Donc, pas 9, pas 8, 10. Donc, 16$. Vas-y. Je pense que c'était à l'époque où Matthew McConaughey commençait à gagner les plus beaux abs au monde. Je crois que oui. Je crois que oui. On me confirme, Tommy, que c'est le cas. 16$. 17. J'ai attendu un 17, je pense. Est-ce que j'ai 18? 17$ une fois, 17$ deux fois, 17$ vendu! Les DVD, c'est bravo, bravo! Là, c'est vraiment quelque chose de particulier. On a une bouteille de bière de Roger Normandin. On a une bouteille de bière de Roger Normandin. Es-tu une niaise? C'est la quatrième dimension. Ça, c'est la quatrième dimension. Non, c'est les miennes. Ça ne vaut pas nécessairement moins cher parce que c'est une bouteille de la quatrième dimension. C'est sûr que c'est édition limitée. Et ça aussi, c'est édition limitée. Sûrement, ça nous provient de Toto, j'imagine. Même pas, non. Alors, vous pourriez célébrer votre 4 de juillet avec un drapeau américain que vous pourriez mettre sur n'importe quelle bière. Hein, c'est one size fits all. Vous pouvez le mettre sur votre Budweiser, sur votre Miller Lite. Est-ce que je peux parler à ma motadie Shandara? Je crois que c'est Roger Normandin avec nous, mesdames et messieurs. Alors, Roger a touché à la bouteille. Écoute-moi bien, là, mon petit bonhomme, là. OK. Là, moi, quand t'as dit qu'il y avait une bière qui sortait sur mon nom, le chapeau, là, il m'est parti de la tête. OK? Là, s'il y a quelqu'un qui sait c'est qui a le chapeau qui m'est parti de la tête, OK? Ça va être ça. Je suis drôle. On l'a eu, mesdames et messieurs, on l'a eu. C'était Roger Normandin, vous l'avez tous reconnu. Et il a traversé la quatrième dimension pour venir nous parler aujourd'hui. Alors, cette bouteille USA, on commence ça à 1,50 $2 5 20 Qu'est-ce qui se passe? C'est une question légitime. 20 une fois. 20? Est-ce que c'est la bouteille ou le drapeau, Tommy, crois-tu? Je ne saurais dire. Tout. Effectivement, les meilleurs ont été les meilleurs. Donc, 20 deux fois. 22. Il y a du monde qui tombe en bas de leur chaise. C'est ce qu'on me dit. Alors, 22 une fois. Ça vaut tellement plus, ça vaut au bon mot 50. Alors, est-ce que j'ai 23? Ça serait malade, voilà. 22 deux fois. 22 trois fois, mon Dieu! C'est 22 que ça vaut maintenant. Alors, vous pourrez revendre cette bouteille facilement 23 sur eBay. C'est une boucle de ceinture, vous pouvez mettre ça là, mais si vous le mettez comme là, vous le verrez pas, fait que ça vous prend des chandails plus courts que qu'est-ce que moi je suis pas. Ça commence à 5, voilà, 6, vous savez même pas sur quoi vous misez, c'est une boucle de ceinture qui est 7$, voilà, on le sait, mais pour 10, il sauve un bid lui-même parce qu'il veut vraiment. Alors, si jamais ça intéresse quelqu'un d'autre, c'est une boucle de ceinture qui est écrit « Fuck off » dessus. 11, voilà. J'attendais. Ça, c'est un élément additionnel qu'on peut rajouter plus tard pour faire monter les enchères. Il y a deux fingers, un de chaque côté pour être plus précis. Donc, c'est écrit « Fuck off » 15. 18. Puis... ça ouvre des... Non. Fuck off 20! Ça ouvre des bières, lui, ça l'a, c'est l'argument de vente. Ouais, ça ouvre des bières. Tommy le fait avec une vague bouteille de Perrier. Je pourrais pas confirmer que ça fonctionne là-dessus. Mais ça ouvre des bières, c'est sûr, ça. On me dit que oui. Alors, on t'a rendu à combien? 20. Est-ce que j'ai 23? 20 une fois. 20 deux fois. 21, ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai 22. 24. Parce que oui, on peut ouvrir une 24 avec ça au complet. Mais fuck off! Voilà. C'est... Quand ça devient une philosophie, ça vaut la peine. Donc, 24 une fois. 24 deux fois. 24 trois fois. Fuck off! Vendu! Merci. On a quelqu'un qui va être fier de porter sa boucle de ceinture demain. Donc, voilà. On termine avec... C'est le dessin de Fanny Grégoire, Tommy, je le sais, je la connais, je veux dire, elle est world famous, même si, je le sais, elle est là, j'avais entendu parler d'elle auparavant, je sais pas, ça, je sais pas pourquoi. Elle possède sa notoriété, Tommy, je te dis. Elle produit sa propre lumière. Voilà, j'aurais pas pu mieux dire, Tommy, voilà. Et c'est le chef-d'œuvre de la soirée, mesdames et messieurs, on commence ça à 20, voilà. Au moins. Alors, 20 Est-ce que j'ai 21? Est-ce que j'ai 22? Est-ce que j'avais entendu? 22? Est-ce que j'avais entendu? 22 dans ce coin-là? 21,50? Est-ce qu'on a 21,50? Il n'y a pas l'air sûr. Il n'y a pas l'air sûr. Ils sont en train de rire. Ils sont en train de rire du gars qui a dit 21,50. Je pense qu'on est à 20. Mais on avait 20$, right? 20$ une fois. 20$. Deux fois. 25. Voilà. Il a parlé. On a 25$. Des applaudissements, Nourri. Alors, 25$ une fois. 25$ deux fois. Il est pas game de sauver-bider. Ça va à lui pareil. 25$ trois fois, mesdames et messieurs. Voilà. On s'en va au Népal, Tommy. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute un film de bonhomme de neige vengeur, hein, qui est très épeurant et plein de violence. Jack Frost 2. Tu nous en parles un petit peu, Tommy? Avec plaisir, Fred. Merci beaucoup, Fred Fournier, mesdames, messieurs! Un ancien collaborateur régulier qu'on est tout le temps très content de revoir. Et ce soir, il a fait l'encan. Et je sais pas c'est quoi son truc, mais... Il a vendu une boucle de ceinture 24$. Donc, on arrive au dernier volet de cette soirée qui a commencé il y a quand même plusieurs heures, à 18h15. Ça s'en vient, mon gars. Le film, c'est à douteux. C'est vraiment né autour de ça, l'idée d'écouter un film que vous auriez jamais vu nulle part ailleurs. Le film de ce soir, ça me surprendrait que vous l'auriez vu quelque part ailleurs. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le 1, Jack Frost 1? Le 1 a eu quand même un release assez international et il a même été traduit en français. L'abominable bonhomme de neige. C'est original en esti. Le 2 n'a pas été traduit en français. Ça n'a jamais été dans un cinéma straight to video. Et la blague est encore plus grosse. C'est un petit peu comme Toxic 3, genre. Dans le film de ce soir, pour ceux qui n'ont pas vu le 1, je vous le résume ça vite fait. C'est un gars, il est vraiment méchant. Tu comprends? Il est méchant. Puis là, lui, à un moment donné, il sauve la prison maximum sécurité où il était pour se faire tuer parce qu'il est vraiment méchant. Puis là, il reçoit du stuff sur lui. Puis là, il devient un bonhomme de neige. Mais il n'est pas vraiment un bonhomme de neige. Il est plus comme l'eau. C'est très, très, très flou, là. Et il tue des gens, parce qu'il est méchant. C'est compliqué d'être méchant dans la vie, là. Faut vraiment que tu oublies tes rêves d'enfance puis que tu focuses sur quelque chose que personne d'autre comprend. Et celui de ce soir est vraiment sublime. Vous allez voir, on découvre une nouvelle espèce vivante au travers de ces bonhommes de neige vengeurs-là. C'est un excellent film, très divertissant. Il y a des gens qui meurent et ça se passe dans les pires décors, je pense, que j'ai vu de ma vie, sincèrement. C'est supposé se passer dans les tropiques et on ne s'y croit jamais. Et ça, je trouve que ça c'est quelque chose de particulier de réussir à faire ça. Sinon, ben, lundi prochain, ça devrait être les Killer Clowns from Outer Space, le long-métrage qu'on va écouter. On va avoir une autre belle soirée. Merci à tout le monde qui a participé, les amis de Mathé Luna. Là-dessus, s'il te plaît, mon ami technicien Nathan, tu peux partir la machine. On écoute l'excellent Jack Frost 2. On est 23 ans après Star Wars. Thank you. So, Sam, what would you like to talk about this week? You know, they've been tracking Jack Frost for over 3 years. Now, Sam, I thought we agreed last week that we're going to try and discuss something other than the Jack Frost incident. Across 11 states, 38 deaths. Jack was nimble. Jack was quick. Jack gouged eyes with candlesticks. He smashed their skulls with sticks and stones, used iron bars to break their bones. He hid his kill in tiny places so he wouldn't have to see their faces. Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.